tant d'amour à te donner, tu sais. Ma vie et mon corps te sont réservés. Et cette nuit, je vais te le prouver. Ma chérie, mon envie, je vais t'aimer. Tu es si divine, je t'aime, Perry. La vie et la mort n'est plus un jeu pour moi. Et ce soir, je voudrais te remercier. Je suis, j'étais et te serai fidèle à jamais. Et je te dédie cette comptine. Car je t'aime, Perry. Je suis resté seul toutes ces années, tu sais. Oui, resté seul à en crever. Et aujourd'hui, je veux tout rattraper. Les solitudes, les habitudes, je ne vais plus y penser. Sous nos draps d'amour, tu m'assassines, car je t'aime, Perry. Car je t'aime, Perry.